Salut les petits loups, je suis Force Jaune, le plus intelligent, celui qui sait tout, celui qui éclaire le monde de sa connaissance absolue, et aussi celui que t'as toujours envie de tarter parce qu'il parle trop. Je suis aujourd'hui, chers otaku, au cœur des coulisses de la Coupe du Monde, pour faire la lumière sur ce que vous n'auriez pas compris, pauvre mortel. Je me trouve juste à côté de la mini-arène de forme ovale, théâtre des plus grandes batailles modernes. Les joueurs placent leurs anges dedans, c'est-à-dire des poupées de combat qu'il est possible d'équiper. Dans le sport à haut niveau, elles sont conçues sur mesure, et en général, les joueurs les choisissent à l'effigie d'un personnage de manga qu'ils aiment, ou en rapport avec leur nom. Ce sport, autrefois appelé Shinigami no Kira, fut inventé au Japon au XIVe siècle, rendez-vous compte, pour l'empereur Sukho. Il se jouait à l'époque avec de véritables personnes, puis fut transposé électroniquement au début des années 1980, car la violence était devenue trop insupportable, et ainsi fut rebaptisé. Les studios Clamp s'en sont d'ailleurs inspirés pour le manga Angelic Layer. Comment cela fonctionne, pour ceux qui dorment au fond? C'est simple, les joueurs portent tous un casque leur permettant de visualiser et de faire bouger leur ange par la seule force de leur esprit. C'est donc ici que tout se joue. Ce qui se passe ici est retransmis en hologramme géant dans le vrai stade où les joueurs pourront les acclamer. Les équipes sont composées de 7 joueurs. 3 d'entre eux se passent une petite balle blanche tenant dans la main et tentent de marquer dans les buts opposés, dont les dimensions sont d'environ 4 mètres de long par 2 de hauteur, proportionnellement à un humain bien évidemment. Chaque but équivaut à 1 point. On les nomme Unbreakers, et la balle est le Boarf, celui qui garde les cages et le Keeper. 2 autres membres de l'équipe, les Shooters, peuvent utiliser 2 ballons rouges, mais uniquement avec les pieds, les cocards, afin d'entraver les adversaires. Le dernier joueur est le plus important, le Speed Jumper. Il a le droit d'avoir une arme, et son objectif est de mettre à terre son opposant Speed Jumper. Le Kintama, une grosse balle dorée, apparaît quelque part sur la zone de jeu. Il leur faudra l'attraper et mettre un panier au milieu de l'arène en moins d'une minute. Ceci met fin au match et, par le fait, fait remporter 15 points supplémentaires. Comme vous pouvez le voir ici, nous sommes en radio. Sur chaque côté du terrain, il y a également 5 trous, les éjecteurs. Si un cocard y rentre, il ressortira d'un autre éjecteur au hasard et avec 2 fois plus de puissance. C'est également d'un de ces 10 éjecteurs que sort le Kintama. Je sais, c'est un poil complexe, mais encore, j'ai raccourci, hein, la vraie règle remplit 3 volumes de 500 pages. Je vais maintenant vous présenter les pays qui ont remporté les qualifications. Tout d'abord, le berceau des otaku, le Japon. Ils ont remporté la 422e session et comptent bien garder leur titre, avec cette fois-ci un Agile 21 bien en forme. Ensuite vient l'Écosse, l'outsider de cette compétition. Personne ne connaît vraiment leur technique et ils pourraient bien nous surprendre. Les troisièmes furent les États-Unis. Ils obtiennent toujours de bons résultats et ont cette rage de vaincre avec leur Dream Team. Ou alors, vous vous laisserez peut-être attendrir par la fabuleuse équipe du Groenland, dont tous les membres, ou presque, font partie de la même famille. Ce qui n'est évidemment pas le cas de la France. Équipe uniquement féminine. Et je peux vous garantir que ce sont de vrais canons, sur le terrain comme à la ville. Les suivants furent le Mexique, qui cette année n'a pas regardé à la dépense et a pourvu tous leurs anges du meilleur équipement sur le marché. Mais le Tibet avec ses moines Shaolin, qui ont entraîné leurs esprits à ne faire plus qu'un avec leurs avatars, vont certainement vous épater. Et enfin, l'Égypte, dont le coach est l'un des plus féroces et des plus stratèges de ces dernières années. Ceci nous promet de belles rencontres que nous narrerons encore et encore à nos enfants pour leur prouver qu'ils vivent dans une époque de merde. Et tout de suite, retour au sport.